musique blues, des idées de sortie et des entrevues à l'émission Rue d'Auteuil. Cette émission vous est présentée par Audiolite, le spécialiste en son et images de haute fidélité. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Visitez notre page Facebook, audiolite.qc.ca. CKRL 89.1. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre émission de prog. Deux heures de bon prog ce soir, bien tassé. Et on a pas mal même, je dirais, énormément de nouveautés ce soir. C'est que restez des nouettes, installez-vous confortablement. Et puis, on a de la visite aussi ce soir, un groupe, le représentant, parce que le groupe n'est pas ici, là, mais un représentant du groupe Trifluvien Circus. Et c'est Alain Proulx. Oui. Bassiste, claviériste, compositeur, j'imagine aussi. C'est pas mal ça qui fait que, dans le fond, je joue l'essentiel des instruments en studio. On pourrait dire que tu es le cerveau du groupe. Bon, on peut le voir, oui. Sois pas modeste. Je vais te suivre là-dessus. Fait que, on va voir Alain en entrevue. On va écouter un premier extrait de l'album Wild Dogs. Qui, le titre fait pas trop prog, mais musicalement... Ah, mais il y a toute une philosophie derrière ça. Oui, on va en parler. Oui. Donc, on écoute un premier extrait pour vous donner une idée de l'album. Double, en passant. Ça aussi, on va en parler. OK. Donc, Bruno, vas-y. C'est le temps de vous rappeler que vous êtes à l'écoute de Terra Incognita. C'est Michel et Bruno ce soir jusqu'à minuit. eyes did not see through my lids. My ears only hear my heart. My fingers are falling apart. Is this gonna change again? Oh, is this you see my head and I'm stuck in bed. My bones are dispersed and across the earth. My world on fire is in the gates of time. There's no place to escape, lost sun to shine. The stars are worn out, the seas are drowned. My mouth alone, I need to shut up. All began if I can think it all. And now I understand the music begun. Now I hear the band. Now I recall a teaching sent. My company lost in this far land. And some old friends is holding my hand. I wonder the way he had it planned. The chain you drew the marketplace. Mighty boys, you cheering by. And homeboy back on shoulder high. Today the road around is run. Shoulder high, we bring you home and set you on your threshold down. The clown can no more feel the crowd. Small times of mine are gone away. From fields where Bye. they not see through my lids. My ears only hear my heart, my fingers falling apart. Is this gonna change again? Oh, is this the end? A hole in the darkness of hell. De retour avec Alain Proulx du groupe Circus. Alain, je pense que tu peux pas nier que tu as écouté un petit peu de Genesis dans ta vie. Ben oui, c'est sûr que ça fait partie des influences en termes d'utilisation de clavier, d'arrangement. Mais, tu sais, quand j'écris pas en me disant « faut que ça ressemble à », puis en même temps, c'est aussi stupide de dire « ben je le ferai pas parce que ça ressemble à ». Ouais. Tu fais ce que tu as envie de faire, puis si ça sort comme ça, ben ça sort comme ça. C'est... Ben écoute, de toute façon, tout le monde commence... Ben t'es toujours influencé par quelque chose. Ça se peut pas que ça soit pas. Oh, tu sais, je veux dire, c'est insensé. Là. Je veux dire, si tu commences à jouer de la musique, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné le goût d'en faire. Oui, puis si les Beatles n'avaient pas existé, ben probablement que tout le prog qu'on a connu par après n'aurait pas existé non plus. Exactement. On va revenir sur Circus, là, parce qu'on peut jaser longtemps. Oui, c'est ça. Écoute... Tu me disais tantôt que c'est une pièce que tu as composée quand tu avais 18 ans. Là, oui. les gens te voient pas, mais vous pouvez imaginer que comme... J'ai quelques printemps. Quelques années entre quelques les deux. Oui, bien c'est ça. Ça date de la fin des années 70. J'étais à l'époque avec un band qui faisait du prog. C'est un groupe qui s'appelait Long Tails. Mais écoute, on était dans les années 76, 77, 78. Ouais, ouais. Le pic était passé. Oui, oui. Ces choses-là sont restées dans les boîtes. Et puis, à un moment donné, ben bon, j'ai recommencé à travailler là-dessus, j'ai réarrangé des choses, repensé certains thèmes, et puis, bon, ça a donné ce qu'on entendait tantôt, là. Et puis, un double, vous commencez avec un album double. Écoute, moi, je te lève mon chapeau, là, parce que c'est beaucoup de travail. Oui, oui. Mais c'est l'accumulation de beaucoup de choses. Moi, au fil des années, j'ai fait... Bon, quand on a fait notre deuil du progressif à l'époque, parce que les compagnies mettaient plus d'argent là-dedans, ben, j'ai fait du jingle, j'ai fait, entre autres, la musique de cirque, Do Circus. J'ai fait beaucoup de choses pour des trames sonores de films. Oui, j'avais beaucoup de musique dans des cartons. Puis à un moment donné, t'accumules des pièces. J'enlève quoi? Bon, merde, je mets tout. Puis t'en fais un concept. Ouais, j'en fais un concept et puis ça fera un double. Bon, parfait. Puis heureusement, avec le CD, ça loge. Oui, ça loge, effectivement. Oui, 78 points kick, là. Et je le frôle dans les deux CD. C'est parce que c'est sûr, passer du 78, 60, là, tu commences à être un petit peu comme limite pour certains lecteurs. Il y en a qui oh, refusent. Oui. Si on venait dans les années 70, j'aurais probablement fait un quadruple avec ça. J'ai du stock de côté encore, donc j'ai fait des choix. On disait que c'était un disque concept. Peux-tu nous résumer ça en quelques, peut-être quelques phrases, je te poserai quelques mots, mais ça, c'est peut-être un peu trop demandé. Évidemment, écoute, quand tu joues dans le prog, on joue un petit peu dans le concept un petit peu prétentieux. On aime ça jouer dans cette soupe-là, et souvent, écoute, c'est Wild Dog, c'est les deux chiens, c'est la légende des loups chez les Indiens. On a tous deux loups en nous, un bon, un mauvais. Lequel survit? Celui qui nourrit le mieux. Fait que c'est un peu la guerre du bien et du mal en chacun de nous, dans les nations, tout ça. Puis les pièces ben, succèdent avec des textures, puis des selon si c'est plus intimiste ou plus globalisant, comme la première pièce d'Alice's Walk, qui reprend un petit peu les guerres coloniales, une pièce de presque 20 minutes, avec des thèmes world beat, entre autres, parce que je vais jouer pas mal là-dedans. C'est ça, c'est une odyssée finalement qui dure plus que 2 heures. Quand tu disais tantôt le composer de la musique pour de la musique de cirque. Oui, ben c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Le cirque, c'est le spectacle total. T'sais, c'est le spectacle où il y a de la musique, où il y a du visuel et il y a de tout et c'est sans filet. Puis il faut que tu te commettes. Mais c'est un peu nous le CD, le disque, l'album, c'est une chose. Mais un show qui vient avec ça. Et le show est pensé aussi très, très visuel. OK. Et c'est un peu à la frange, vous savez, de la musique de film et du live. Et bon, ça sera à découvrir éventuellement. Tu sais pas quand, par contre? Ah, ben on y travaille. On a commencé à simuler des projections, parce qu'on travaille beaucoup avec des projections. C'est monté. Si vous allez sur notre Facebook, vous allez voir, il y a des photos, parce que oui, on a fait des. On a commencé à faire des générales. Et on est à monter tout ça. Là, disons qu'au printemps, c'est. Je pense que la touche finale va être faite. Là. Bon, ben écoute, on va retourner au disque. Peux-tu nous parler un peu de la pièce qui s'en vient? Oui, Redeemer. Redeemer, qui, moi, je l'ai choisi parce que c'est une pièce qui va jouer dans à peu près l'essentiel des textures dans lesquelles on travaille. Et des choses, comme je disais, plus world beat, des choses plus symphoniques, des choses plus dramatiques. En tout cas, je pense qu'il y a un peu de tout là-dedans, là. Sans avoir à passer la pièce de 20 minutes, évidemment, parce que... je te remercie. C'est pas parce que j'aime pas, là, mais parce qu'on a 2 heures. C'est pour ça que j'ai choisi l'autre. Bon, ben, je pense que Bruno va nous envoyer ça. On vous revient après. Thank you. Silence, only folk can hear the land of If I could ride again, I could make last spells, ask for, cry for, I would feel the desire. Please just bring it back, the dreamer. Please just bring it back. De retour, donc, c'était une seconde pièce de l'album Wild Dogs de Circus, formation de Trois-Rivières. On a Alain ici. Vous le lancez bientôt, ce disque-là? Oui, bien, c'est le 16 septembre, donc dans la semaine prochaine. Peux-tu nous dire où? Pour l'instant, il n'y a pas de salle, il n'y a pas d'événement créé comme tel, mais... Bon, il y a des choses qui sont en gestation là, par rapport à ça. Et je voudrais pas m'avancer puis qu'il y a des choses, des pétards mouillés, là, mais de regarder là, parfait. Pour non, ça. Non, pas de problème. Écoute, tiens-nous au courant. Vous le serez, sans problème. Ben, un gros merci d'être déplacé. C'est un plaisir. Ben, écoute. Parce que dans le prog, on n'a pas ces occasions-là souvent. Ben, quand on les a, on les saisit. Bon, ben, écoute, ça fait plaisir, vraiment. Là, ben, c'est apprécié. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes québécois qui font du prog. Je veux dire, on n'entend pas beaucoup parler. Là. Il se passe plus grand. Il y a eu comme une vague, mais là, c'est un peu comme. Ouais. Mais je pense que c'est à peu près partout pareil aussi. Là. Mais il faut le faire pour les bonnes raisons, je pense. Si tu le fais pour avoir une masse de gens devant toi, c'est long, mais si tu le fais, si tu aimes le faire, nous, on a du plaisir à produire ça. Ben, c'est ça l'essentiel. Et voilà. Ben, oui. Ben, encore un gros merci. Et nous, merci à vous autres. On va continuer en musique avec une nouveauté. Ça nous vient d'Italie, Unreal City, leur tout nouvel album. En fait, il sort, il va être lancé demain, pour être exact. Et on écoute un extrait de ce nouveau disque. Mais là, j'étais pour oublier de vous dire qu'Unreal City va être à Québec. Présentation Terra Incognita le 8 octobre à Lanty. Donc, il reste quelques billets. C'est un show Terra Incognita spécial dans le sens que il n'y a pas de billets en vente. Il faut nous contacter, passer par nous pour avoir une place. Donc, pour Unreal City le 8 octobre à Lanty. Et on écoute un premier extrait de leur troisième album. We'll be right back. serve dirci. La notte fuori è fredda e non ammette negazione. Non dimenticare mai la tua stupida identità per la grande festa in maschera. Accarezzata dalla luce delle aurore che sognavi da bambina, tu correvi lungo corridoi tortuosi verso una finta libertà, la tua grande festa in maschera. 89.1. Le 24 septembre prochain, viens courir 1, 5 ou 10 km urbains dans une ambiance unique avec comme thématique les Beatles. L'équipe d'organisateurs promet des surprises. Plusieurs artistes des arts de la rue feront partie du parcours pour cette nouvelle thématique. Le 24 septembre, de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca. Une invitation de la SDC 3e Avenue Limoilou en partenariat avec Desjardins Caisse de Limoilou et le Coureur Nordique. Moi, quand je vais au quartier de Lune, c'est pour danser. Moi, quand je vais au quartier de Lune, c'est pour rocker. Danser. Rocker. Danser. Rocker. Danser. Rocker. Le quartier de Lune, une seule place, deux ambiances. Piste de danse, spectacle le week-end, karaoké, billard gratuit, 5 à 7, les plaisirs doublés dès 20h tous les soirs. Le quartier de Lune, 3e avenue, Limoilou. Réserve pour tes parties, 88 524 48 55. Devenez notre ami sur Facebook. Just golden promise.

Parce que tout simplement, c'est la meilleure radio au monde. Et aussi parce que vous économisez 20% au bar salon Quartier Général, 1 boulevard Charest-Ouest. Devenez membre sur ckrl.qc.ca. De retour, Terra Incognita. Je regarde tranquillement. On a eu du Norvégien, croyez-le ou non. Ça arrive pas très souvent. Gentle Knife. Je pense qu'il y avait comme une petite pénurie du côté de la Scandinavie. Puis là, ce soir, on en a deux. On va avoir aussi le nouveau Wobbler. Donc, je ne sais pas si c'est une tendance qui va se maintenir, mais ça va faire du bien d'avoir un peu de prog scandinave. C'est une denrée de plus en plus rare. Donc, c'est Gentle Knife, leur second album, Clock on Wood. Et puis avant, on avait la nouveauté d'Unreal City, leur troisième album. On va peut-être en avoir un deuxième extrait d'ici à la fin, mais ça va dépendre. On va voir. J'ai encore pas mal de choses. Puis je vous parle d'Unreal City, mais on va aller faire un petit tour du côté de l'Italie avec une nouveauté. Il Cerchio d'Oro, leur tout nouveau. Là, je ne sais pas si je vais me risquer. Il Fuoco Sotto la Cenere. Ça doit ressembler à ça à peu près. On va en écouter un premier extrait donc, de Il Cerchio d'Oro. Le temps de vous rappeler que vous écoutez Terra Incognita. Bruno et Michel, ce soir, jusqu'à minuit, on y va du côté de l'Italie. Thank you. sono giorni in cui non c'è niente che va. Ti perdi un po' d'animo, c'è qualcosa che rode dentro di te. Non vuole mai smettere. Scava finché vuoi, ma un motivo non c'è. È inquietudine, non ti lascerà se ti mostrerà. Sarà più

We'll be right back. directement de l'Ontario. Eh oui, une formation ontarienne qui a pour nom Monarch Trail. Second album intitulé Sand. Et c'était la pièce Back to the Start. Avant, on avait, je vous disais tantôt qu'on a une petite recrudescence de parution scandinave. Le nouveau Wobbler, From Silence to Nowhere. Ça, c'était inespéré. Je pensais que Wobbler avait comme jeté l'éponge. Et non, la serviette plutôt. Et ils nous reviennent avec un nouveau disque, From Silence to Nowhere. Le disque doit être lancé, je n'ai pas la date exacte, mais c'est en octobre. Je pense que c'est la deuxième semaine d'octobre ou la première semaine d'octobre. C'est dans ce coin-là, donc cherchez-le pas tout de suite. Et on avait donné le coup d'envoi de ce bloc musical avec Il Cerchio d'Oro, petite nouveauté italienne, Il Fuoco Sotto la Cenere, je pense. Excusez mon italien. Et très bon en passant, d'ailleurs, là, le nouveau Il Cerchio d'Oro. Une belle évolution du précédent. Et puis, j'aime beaucoup là, les arrangements et claviers. Tout comme, d'ailleurs, ce que je voulais... L'autre groupe norvégien, l'autre groupe norvégien qu'on a écouté, Gentle Knife, j'adore les claviers. Je n'en ai pas trop parlé tantôt, mais je peux en parler un peu plus. Là. Gentle Knife, second album, Clock on Wood. C'est un groupe de 11 musiciens. Je ne sais pas comment ce qu'ils font pour gérer le tout, mais ça doit être assez compliqué. En tout cas, ils sont arrivés à en faire un second, donc c'est bon signe. Mais je pense qu'ils ne présentent des concerts que dans leur pays d'origine, donc la Norvège. Ils sortent pas trop de ce coin-là. Et on peut comprendre pourquoi. Là. C'est une logistique assez incroyable. 11 musiciens, c'est... j'ose à peine imaginer. Est-ce que ça... Enfin, si par hasard, ils venaient un moment donné au Festival Terra Incognita, je pense que ça serait un joyeux casse-tête. Ce qui n'est pas le cas. Donc, dernière demi-heure déjà, c'est en fil de façon assez incroyable. On a encore de la musique. Là, Bruno me dit que oui, il n'y a pas de problème, il est prêt. Mais c'est les pubs. C'est, oui, j'avais compris, Bruno. Je ne l'avais pas oublié. Donc, on a quelques messages d'intérêt public. On vous revient de l'autre côté avec Goblin. Oui, Goblin, groupe italien de l'album Four of a Kind. C'est une petite nouveauté sur... Terrain Incognita. Et puis, on a encore pour une demi-heure quand même, c'est qu'il y a resté des nôtres. Puis après ça, mais c'est l'autoroute. Donc, une autre raison pour rester. Et on y va avec les publicités. 89.1. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Le Festival de cinéma de la ville de Québec. Du 13 au 23 septembre. Présenté par Québeca. Alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. FCVQ.ca. One step Moi, quand je vais au quartier de lune, c'est pour danser. Moi, quand je vais au quartier de lune, c'est pour rocker. Danser. Rocker. Danser. Rocker. Danser. Rocker. Le quartier de lune, une seule place, deux ambiances. Piste de danse, spectacle week-end, karaoké, billard gratuit, 5 à 7, les plaisirs doublés dès 20h tous les soirs. Le quartier de lune, 3e avenue, Limoilou. Réserve pour tes parties, 418-524-4855. Devenez notre ami sur Facebook. much interested in your point of view, so please be frank. Tell me exactly what you think. I can't. Why not? I haven't sufficient flow of speech. We'll be right back. treasure time, the smile you can feel. Thank you. Ça nous vient des Pays-Bas, Sky Architect, de leur nouveau Nomade. Avant ça, on avait Steve Kilby et Martin Kennedy de l'album Insight, We Are the Same, la pièce Ho Chi Minh. Ah, la Norvège, justement, on en parlait tantôt. Là, je sais que ça se prononce pas comme ça, parce que j'ai fait quelques recherches, là, mais je pense que... Je vais essayer de le prononcer comme c'est écrit pour vous donner une idée, mais je le sais que ça se prononce pas comme ça. Imelgem, mais je pense que c'est Imelgem. C'est en allemand, mais c'est un groupe norvégien. Je vais vous l'appeler pour vous donner une idée, parce que je sais que c'est imprononçable. Bref, bon, avec un petit peu de pratique peut-être, là. C'est H-I-M-M-E-L-L-E-G-E-M-E. L'album Myth of Earth. Et On avait amorcé avec Goblin, le groupe italien, Four of a Kind, la pièce Uneven Time. C'est déjà le temps de vous dire bonsoir. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. C'était Terra Incognita, Michel et Bruno ce soir. Et restez des nôtres, l'autoroute et Stéphane dans quelques instants. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. CKRL 89A. Time it was, and what a time it was, it was. A time of innocence, a time of confidences. À découvrir sur la fabrique culturelle. Le symposium a une formule intéressante. Dans le fond, il y a une douzaine d'artistes qui travaillent dans le même atelier pendant un mois, puis tous les ateliers sont ouverts pendant des périodes définies. Les paysages sur papier de Karine Locatelli au symposium de Baie-Saint-Paul. C'est vraiment un processus évolutif qui permet au public de vraiment rencontrer les artistes, d'avoir accès à des guides. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Une nouvelle édition de la revue Planche est maintenant disponible. Sous la couverture réalisée par François Lapierre, le corps et l'introspection sont au cœur de ce nouveau numéro, avec des récits de Richard Suicide, Guillaume Panchina, en plus d'un dossier spécial sur les dessins érotiques inédits de Jean-Louis Tripe. Aussi à lire la chronique Bouffe de Cyril Doineau, les dessous de la création d'Alexandre Fontaine-Rousseau et bien plus. Planche, disponible en ligne sur revueplanche.com et en librairie. Moi, quand je vais au quartier de lune, c'est pour danser. Moi, quand je vais au quartier de lune, c'est pour rocker. Danser. Rocker. Danser. Rocker. Danser. Rocker. Le quartier de lune, une seule place, deux ambiances. Piste de danse, spectacle week-end, karaoké, billard gratuit, 5 à 7, les plaisirs doublés dès 20h tous les soirs. Le quartier de lune, 3e avenue, Limoilou. Réserve pour tes parties, 418-524-4855. Devenez notre ami sur Facebook. Le 24 septembre prochain, viens courir 1, 5 ou 10 km urbains dans une ambiance unique avec comme thématique les Beatles. L'équipe d'organisateurs promet des surprises. Plusieurs artistes des arts de la rue feront partie du parcours pour cette nouvelle thématique. Le 24 septembre, de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca. Une invitation de la SDC 3e avenue Limoilou en partenariat avec Desjardins Caisse de Limoilou et le Coureur Nordique.